Génial. Sonic. Tuto Sonic. Bonjour et bienvenue dans Tuto Sonic, les tutoriels de musique. Alors aujourd'hui, comme je suis loin, que je parviens en festival malheureusement, je me suis dit ah ouais, je pourrais faire un truc avec ce machin de cette histoire de transmission de données. Hein. Et je me suis dit qu'on allait faire une sorte de tuto un peu, enfin un tuto, mais j'ai en tout cas parlé un petit peu de ces histoires de transmission de données, et particulièrement de l'expérience de Marconi, par exemple, qui a vraiment marqué le début du XXe siècle. Et Marconi, c'est un peu l'inventeur du télégraphe sans fil, et c'est la première personne à avoir pu envoyer un signal et à le recevoir outre-Atlantique, c'est-à-dire qu'il a placé un émetteur en Angleterre et un récepteur, je crois, au Canada. Et il a réussi à recevoir son signal en utilisant une couche de l'atmosphère qui s'appelle la ionosphère, en fait, qui avait la propriété de renvoyer, de réfléchir les ondes électromagnétiques. Alors il a pu comme ça, et il a été nommé prix Nobel de physique à la suite de ça. Et donc en fait, toute cette espèce d'idée de pouvoir envoyer des sons comme ça dans l'espace, c'est vraiment différent de, par exemple, de l'enregistrement où le son reste gravé dans un support. Là, il devient comme une sorte de spectre en fait qu'on pourrait envoyer dans l'espace comme ça. Et Marconi lui-même, à la fin de sa vie, il pensait que les sons, une fois émis, en fait, il reste beaucoup plus de temps dans l'espace et puis qu'on pourrait ensuite pouvoir les recapter, rediffuser dans le temps. Et ça a vachement influencé beaucoup de choses, et dans le spiritisme, et dans la musique aussi, hein. Par exemple, je pense à Hammer et Schaeffer, et ce concept de schizophonie. La schizophonie, c'est vraiment l'idée que le son émis, en fait, il devient vraiment indépendant, en fait, entre la source et la rediffusion. Ils sont complètement indépendants, ils peuvent être émis, etc. Et c'est comme si, c'est-à-dire qu'il y avait une présence, qu'il n'y avait pas de corps physique aussi lors de l'émission du son. Et on parle par exemple de décorporation, de transmigration ou de voyage dans le temps. Alors, il y a aussi à la suite de ça, il y a par exemple Thomas Edison qui avait un peu ce projet, mais qu'il n'a jamais réalisé, mais il avait ce projet de pouvoir créer des machines qui entendent les morts. Pouvoir accéder à ça, il en parle dans un interview en 1920, mais il a jamais vraiment réussi à faire. Mais il y a à travers toutes les je sais pas, un peu les milieux un peu spirituels, tout ça, les chasseurs de fantômes, ils ont créé par exemple ce qu'ils appellent les nécrophones, ou les boîtes fantômes, une espèce de boîte qui permettrait d'enregistrer des sons, des voix venues d'outre-tombe. Il y a ce qu'on appelle les EVP, Electro Voice Phénomène, qui sont d'un point de vue scientifique plus apparentés à de la pareidolie, c'est-à-dire que reconnaître un son dans du bruit blanc, par exemple, on a l'impression d'entendre un truc. Est-ce que c'est le cerveau qui recrée ça à partir de certaines fréquences ou pas? Peut-être que ça marche vraiment. Et donc pour aujourd'hui, je me dis ah bah je vais faire comme cette expérience. J'avais trouvé un peu en allant sur des sites un peu ésotériques, il y a des techniques pour pouvoir recueillir le son des fantômes. Et donc il y en a une qui marche bien, c'est typiquement de mettre un enregistreur dans un endroit de sa pièce, et souvent dans les endroits les plus froids. Donc apparemment ça marche bien dans les frigos et les congélateurs. Alors je me suis dit que j'allais faire ça. Alors ça marche mieux sur les appareils à bande. Le problème c'est que mon coloc il a un Revox, mais il entrait pas dans mon congélateur. Du coup, j'ai fait ça avec un enregistreur un peu plus classique. Et donc, je vais vous laisser là sur l'enregistrement de l'intérieur de la cavité de mon congélateur. Et peut-être que vous, auditeurs ou autres, vous pourrez d'un seul coup entendre une présence à travers cet enregistrement. Voilà, je vous laisse avec l'enregistrement et je vous dis à demain pour un nouveau tutoriel. Merci Jérémy, on écoute. On peut raccourcir. Hein, peut-être en podcast, on pourra mettre une version plus longue, je sais pas. Ok. peut-être le son mystère. Le son mystère de demain, on trouve un. Enfin... Ça, bah, ça dépend quand le fantôme communique. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est à la fin ou c'est au milieu? Jérémy, tu sais? Moi, il n'y a pas vraiment, c'est assez. Bah, c'est... Help! Voilà, c'est l'esprit de quelques viandes séchées, de viandes hachées, congelées. En même temps, si tout le monde parle, on n'entendra jamais. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on entend un fantôme se servir des cornflakes à un moment donné, mais je suis pas sûr, faut que je l'écoute. Ah. Bouge, on entend du mouvement. Hein. Bon, je pense qu'il est en train de dormir. Hein, je crois que on n'a pas trouvé le fantôme, mais je crois qu'on a le son mystère de demain. Et ce sera okay. Un super test pour voir qui nous écoute d'un jour à l'autre. Super. En tout cas, merci beaucoup Jérémy, c'était trop bien. Et à demain. Ouais, à demain. Ciao. Tout Sonic. Tuto Sonic.